Chapitre 4e. Au poteau du supplice. Avec un sourd gémissement, Bill Cody rouvrit les yeux. Que lui était-il arrivé? Il gisait à terre comme paralysé. Ce ne fut que lentement, et à force de volonté, qu'il put évoquer de l'obscurité de son cerveau le souvenir des dernières minutes qu'il avait vécues. Il eut d'abord comme la sensation d'un poing qui le serrait à la gorge. Une terrible angoisse lui comprima le cœur. Grand Dieu! Au milieu d'un combat avec les diables rouges, il s'était évanoui, épuisé par la perte de son sang, complètement exténué. Que s'était-il passé depuis? Qu'était devenue la gracieuse jeune fille pour le salut de laquelle il avait joué sa vie? Vivement, Bill voulut se lever pour chercher où pouvait être la délicate et charmante enfant. Mais il dut s'en tenir à l'intention. À son grand effroi, Bill reconnut qu'il ne pouvait remuer aucun de ses membres. Il n'arrivait pas à bouger sa tête, non pas même pour la soulever de l'épaisseur d'un cheveu. Pourtant, il était bien vivant. Ce n'étaient pas les bandelettes des morts qui le retenaient. Loin de là, vraiment. Le soleil était au zénith, droit au-dessus de lui, et ses rayons éclatants lui faisaient mal aux yeux. Il entendait aussi des bruits. Il en percevait un qui lui rappelait, par sa cadence régulière et rapide, les rames qui frappent l'eau et se relèvent pour la frapper encore. Cependant, une inquiétude indéfinissable s'était emparée de lui. Il voulut ouvrir les lèvres et articuler un mot, pour se convaincre qu'il vivait et qu'il était éveillé. Mais il s'aperçut qu'il avait enfoncé dans la bouche un bâillon qui lui rendait impossible de proférer aucun son. Il ne put qu'exhaler une sorte de plainte rauque, à peine plus forte qu'un soupir. L'idée de la réalité, comme un éclair funeste, traversa la tête de Bill Cody. Il eut le sentiment de l'abandon le plus absolu, de la détresse la plus horrible. Une vision lugubre abattit la fierté de son cœur. Il avait compris le sort effroyable qui l'attendait, sans que rien ne pût l'y soustraire. Il se trouvait aux mains des Sioux, ses ennemis mortels. Si ceux-ci, lorsqu'il gisait inconscient, ne l'avaient pas tout de suite tué et scalpé, c'était pour lui, si bien au courant des mœurs atroces de ces sauvages, la preuve certaine qu'il lui réservait une fin plus terrible encore. Dans sa lutte désespérée, Bill avait frappé un bon nombre de diables rouges. Son aventure de la veille lui revint en mémoire, où, pour défendre sa vie, il avait, d'une balle sûre, fait dégringoler un chef de son cheval. Les Indiens implacables, à qui tout sentiment tendre est inconnu, l'avaient mis à part pour lui infliger une mort 10 fois, que dis-je, 100 fois plus épouvantable. Il était réservé pour le poteau du supplice. Un accès de désespoir farouche s'empara du jeune homme. Dans son indignation d'être enchaîné, il se raidissait violemment contre ses liens. Vains efforts. Les cordes tenaient bon, et la blessure de son bras recommençait à le faire souffrir affreusement. À ce moment, il sentit un corps pesant qui s'appuyait contre lui. En même temps, il vit au-dessus de son visage la figure grimaçante et effroyablement peinte d'un Indien coiffé de toutes ses plumes. « Le garçon blanc vit. C'est très bien, » dit le sauvage en mauvais anglais. « Le téméraire garçon nous donnera au wigwam beaucoup d'amusement. Ses cris de douleur nous ragaillardiront. Le garçon blanc fera voir au poteau de supplice s'il sait seulement donner des coups ou s'il sait aussi les recevoir. » Bill voulut parler, mais le bâillon l'en empêchait. Par les signes d'impatience de son visage, il chercha à faire entendre à l'Indien ce qu'il souhaitait. Celui-ci comprit parfaitement, il enleva le bâillon. Mais en même temps, il faisait étinceler aux yeux de Bill la lame de son Bowie knife, et d'un geste expressif, il indiquait clairement au jeune homme que le moindre cri de sa part serait suivi d'une mort immédiate. Mais Bill ne pensait ni à lui-même, ni à l'épouvantable sort qui l'attendait. Qu'est devenue la jeune fille que vous avez trouvée près de moi? Dit-il à l'Indien dans son idiome qu'il connaissait parfaitement. Le Peau-Rouge parut surpris, puis un hideux ricanement sépara ses lèvres minces. Le garçon blanc a beaucoup d'esprit. Il parle avec la langue de l'homme rouge, mais son cœur est faux, sa langue est fourchue comme celle du serpent. Qu'il ne se chagrine pas du sort de la colombe blanche. le garçon blanc seul doit mourir, mais la colombe blanche vivra. La panthère rampante est un grand chef. Hier, le garçon blanc lui a pris son frère. La panthère rampante s'enivrera des tortures du garçon blanc, et la gracieuse colombe à la voix d'oiseau sera sa squaw. « Tu mens, misérable voleur de Port-Rouge !» s'écria Bill exaspéré. « Tu es aussi poltron que traître. Jamais la belle jeune fille ne sera tienne. Auparavant, tu seras mangé des vautours. » L'insulté leva son couteau, mais il le laissa aussi retomber, en riant d'un rire de démon. « Le garçon blanc passera par les verges. C'est un sot. Nos chiens sont plus intelligents que lui. La panthère rampante ne se laissera pas mettre en colère par ses paroles. Elle le verra souffrir. Il sera martyrisé plus longtemps, et ses gémissements animeront le courage de nos jeunes gens. » Il attendait un moment la réponse, mais comme elle ne venait point, et que Bill le regardait dédaigneusement en silence, l'Indien replaça solidement le bâillon dans la bouche de sa victime et reprit avec son hideux ricanement. « La panthère rampante ouvrira les lèvres du garçon blanc. Sa voix sera entendue des chacals. Son corps sera jeté en pâture aux chiens. Et les charmes de la colombe blanche me ranimeront quand je me serai assez baigné dans le sang du cœur du garçon blanc. » Il se retira pour reprendre sa place de rameur et laissa Bill à ses sombres pensées. Quel que fût le mépris de Bill pour la mort, il ne se rendait pas moins compte de l'effroyable gravité de la situation. Tout indiquait qu'il était perdu sans ressources et qu'il lui fallait mourir de la plus cruelle des morts. Il connaissait assez les diables rouges pour être sûr qu'ils l'attacheraient au poteau du supplice. Mais où l'emportait-il ? Il suivait le cours du fleuve. Probablement il y avait quelque part dans le voisinage un campement d'Indiens vers lequel se dirigeaient ses vainqueurs. Et Louisa, où était-elle ? Certainement pas dans ce même bateau, car il sentait à ses mouvements qu'il pouvait donner place à 3 ou 4 personnes tout au plus en outre de lui. Les coquins s'étaient, à la mode indienne, divisés en petites troupes qui, se dissimulant plus aisément en suivant des chemins divers, tendaient tout au même but. Naturellement, dès leur arrivée au campement, les horribles drôles attacheraient Bill au poteau. Ils le feraient tout de suite pour prévenir les sauveurs possibles envoyés à la recherche du prisonnier. Ils ne pouvaient pas savoir que son absence ne commencerait pas à être remarquée avant 3 jours, si même elle l'était. Bill avait beau agiter toutes les possibilités dans son cerveau fiévreux, il en revenait toujours à la terrifiante conviction qu'il n'était plus de salut pour lui, que son sort était définitivement scellé. Devoir mourir si jeune, n'était-ce pas là une horrible pensée ? Non pas que Bill craignît la mort. Il était, depuis sa première enfance, si bien familiarisé avec le danger qu'il ne songeait même pas à se dire que chaque jour de sa vie pouvait être celui où il serait couché dans le linceul. Mais l'idée de finir de cette fin mesquine et sans gloire, de devoir offrir à ces bêtes sauvages le spectacle voluptueux et émoustillant de son jeune corps dans les spasmes de l'agonie, c'était une idée qui lui pesait sur l'esprit. Et puis, sa pensée allait vers sa mère mourante. Sa douleur, de ce côté, était si vive qu'il en oubliait un autre terrible sujet de tourment, l'espérance que le général Custer et la garnison du Fort Hays, cernés de toutes parts, avaient mise en lui et qui était irrémédiablement trompée. Depuis combien d'heures sa mère gémissait-elle vainement après lui ? Il se disait qu'il aurait sûrement atteint sain et sauf le fort Leavenworth, s'il ne s'était pas chargé de l'infortunée Louisa. Mais pas une seconde son noble cœur n'eut un regret, ni ne s'adressa à un reproche. Seulement à l'idée que Louisa était prisonnière comme lui, il souffrait 2 fois. Ah, c'était au-devant d'un destin encore plus terrible que le sien qu'elle allait. Et lui, Bill, ne pouvait remuer aucun membre. Pauvre, douce Louisa. Ah, si cette mort atroce qu'il allait subir pouvait du moins racheter sa vie et sa liberté. Mais je ne veux pas mourir, se dit soudain Bill Cody. Et la gracieuse fille n'ira pas non plus à sa perte. Il faut que je la sauve, et moi aussi. Ce ne peut pas être la volonté du ciel de donner à notre printemps une fin si atroce. Et Bill se sentit pénétré d'une pieuse confiance. Ses regards cherchèrent le ciel bleu au-dessus de lui, et fervemment monta du fond de son âme une suppliante prière vers le grand conservateur de toutes choses. Mais rien ne laissa paraître que le ciel eût entendu cette ardente supplication du jeune prisonnier. Ils continuèrent pendant plus d'une heure à descendre le fleuve. Un balancement particulier, Bill reconnut tout à coup que l'embarcation changeait de direction. Presque aussitôt, le canot, lancé avec force, glissa en grinçant sur le sable d'une grève où il s'arrêta. Bill en vit sortir quelques Indiens qui lui jetaient en passant des regards pleins de haine. Puis, il se sentit empoigné rudement par des mains vigoureuses et hissé sur les épaules de deux hommes. Alors, ce fut une course rapide sous bois. Le sol, inégal, les mouvements brusques et les pas irréguliers de ses porteurs faisaient souffrir à Bill des douleurs d'enfer. Son bras blessé le brûlait horriblement. Ajoutez à cela la torture d'une soif atroce, qui lui donnait la sensation d'avoir dans la gorge un charbon ardent. Mais, virilement, notre jeune héros interdisait toute plainte à ses lèvres. De toute son énergie, il luttait contre la faiblesse et la fatigue mortelle qui de plus en plus envahissaient ses membres. Cependant, il faut que la nature ait ses droits. Elle fut plus forte que la force d'âme du jeune homme. Sa conscience des choses devint de plus en plus indistincte et nuageuse. À la fin, une insensibilité bienfaisante enveloppa son esprit, surexcité depuis si longtemps. Mais quel affreux réveil il devait avoir! Les mécréants lui allumèrent de la poudre devant la bouche et sous le nez, et le rappelèrent de cette façon au sentiment de la vie. Comme à travers un voile épais, Bill promena son regard autour de lui. On lui avait ôté son bâillon de la bouche. Il se trouvait debout, attaché à un tronc d'arbre flexible. Où qu'il regardât, son œil rencontrait des figures hideusement peintes dont les traits tordus par d'affreuses grimaces n'exprimaient qu'une diabolique méchanceté. C'était la fin. C'était là le lieu de son dernier combat. Pendant que son profond évanouissement lui tenait les sens engourdis, on l'avait, à défaut de poteau de supplice, attaché au premier tronc d'arbre qui avait paru propre à en tenir lieu. Devant lui, la figure de diable, barbouillée de couleurs éclatantes, de la panthère rampante, le dévisageait. Le visage pâle, si dédaigneux, va pouvoir montrer son courage, dit l'Indien de son accent guttural. Sa droite menaçante balançait un tomahawk dont les rayons du soleil faisaient étinceler le tranchant poli. Tout à coup, le chef se recula d'une dizaine de pas sans quitter des yeux le captif. Pendant ce temps, il n'avait cessé de brandir le tomahawk au-dessus de sa tête emplumée. Avec un cri retentissant, le mécréant lança d'une force terrible l'arme affilée vers la tête sans défense de la malheureuse victime. La lame étincelante de la hache s'enfonça en sifflant dans le tronc qui en frémit juste au-dessus de la tête de Bill. Mais pas une exclamation, pas un soupir n'échappa aux lèvres du jeune homme. Rien n'altéra la complète impassibilité de ses traits. Pas un tressaillement ne trahit qu'il se fût aperçu du danger qui l'avait menacé. Bill connaissait parfaitement les mœurs des Indiens. Il savait que ceux qui l'entouraient de leur honte sauvage mettraient d'abord toute leur habileté à le frapper d'épouvante et à lui arracher des plaintes avant d'en venir à le découper lentement, membre par membre, à lui arracher les ongles des doigts et des orteils et à se livrer aux autres horreurs que peuvent accomplir leurs couteaux de bourreau. Leur donner l'occasion de se délecter de ces plaintes? Non! Les diables rouges n'obtiendront pas ce triomphe. Jusqu'à l'amertume de la minute suprême, ils ne le verront pas faiblir, et encore moins parviendront-ils à arracher à ses lèvres un cri de douleur. Puisqu'il doit mourir, les coquins témoins de son supplice ne pourront se refuser à reconnaître qu'il est mort sans peur et sans reproche, comme il a vécu. Cependant leur jeu, aussi hideux qu'effroyable, poursuivait son cours. Criant et hurlant, les plus proches dansaient autour du corps nu, nerveux et musclé, du jeune guerrier malheureux. Bientôt, au milieu du tapage et des hurlements frénétiques, un des diables rouges vise le poteau et son tomahawk va tomber devant Bill, prêt à le toucher. D'autres bandent leurs arcs dans la direction du prisonnier. Les flèches traversent l'air en sifflant et se fichent, frémissantes, dans le tronc de l'arbre. Le tir en est si sûr que chacune d'elles a effleuré le corps du captif sans l'entamer. Plus Bill avait l'air froid et méprisant, moins les muscles de son visage frémissaient. Mieux, il évitait de laisser dévier d'une ligne sa tête, laissée libre de lien tout exprès, et plus les sauvages altérés de sang devenaient furieux et farouches. Ils se mirent, tout en continuant leur danse et leurs cris, à lancer vers Bill leurs Bowie knives. Avec ses couteaux, ils bordèrent de près le corps de Bill, dont les contours se trouvèrent ainsi dessinés sur l'arbre. Mais tous leurs efforts restaient vains. Toutes leurs diaboliques inventions étaient incapables d'effrayer Bill Cody. Un sourire froid et dédaigneux restait fixé sur ses lèvres, et s'il les ouvrait, c'était pour donner passage à une manifestation de mépris à laquelle répondaient de vrais hurlements de rage. Soudain, la panthère rampante vint encore le regarder en face. Cette fois, le chef était armé d'un fusil à deux coups. Il poussa un cri d'une voix enrouée et prompt comme l'éclair, coucha en joue l'intrépide Bill qui le regardait fixement. Les deux détonations se suivirent de près. Une épaisse fumée enveloppa notre infortuné héros. Les deux balles s'étaient enfoncées dans l'arbre, tout près des deux tempes du jeune homme, si près qu'elles lui avaient brûlé les joues. Si la tête de Bill avait remué de l'épaisseur d'un cheveu, il était tué instantanément. Obligé de constater l'inébranlable et impassible tenue de sa victime, l'Indien donna libre cours à sa furie. Le sang-froid dont il avait fait preuve jusque-là, le diabolique et hautain mépris sous lequel il cachait les passions qui bouillaient en lui, tout cela parut l'abandonner en un moment. Avec une vivacité fébrile, il avait rechargé son fusil et de nouveau, il couchait en joue Bill Cody. « Meurs donc, chien de visage pâle » hurla-t-il de toute sa voix. Bill avait vu que le coquin le visait au cœur. « Adieu, mère. Que Dieu te protège. Et au revoir là-haut. » Telle fut la dernière pensée que Bill crut former sur terre. Mais au même moment, une forte détonation se fit entendre venant de côté. Droit au milieu du canon, le fusil de la panthère rampante était brisé avant qu'il eût le temps de tirer. Arrière, loin de cet homme-là. La mort à qui ose le molester. Voilà ce qu'entendit Bill, prononcé par une voix d'homme impérieuse et rude. Tout près, un bruit de piétinement de chevaux. Ô ciel, royaume de grâce, ainsi, à l'heure suprême, à la minute décisive, le salut s'approchait. Pour la première fois depuis qu'il était au poteau du supplice, Bill remua la tête et la tourna de côté. Son émotion était trop forte. Il fallait qu'il regardât celui qui lui sauvait la vie. Mais ses genoux fléchirent sous lui, et le plus horrible désespoir déchira son cœur vaillant. Il aperçut une poignée d'aventuriers à mine farouche qui, montés sur des chevaux ardents, envahissaient le campement indien. En un clin d'œil, ces hommes entourèrent le poteau du supplice. À leur tête était Jesse James, le bandit. Bill rencontra son regard d'homme de proie, brillant et implacable. Il sut dès lors que c'en était fait, cette fois, et qu'il n'y avait plus pour lui aucun salut d'aucune sorte.